Je vous envoie un bouquet. Je vous envoie un bouquet que ma main vient de trier de ses fleurs épanouies. Qui ne les eût, à ce vêpre cueillie, chutes à terre, elles fussent demain. Cela vous soit un exemple certain que vos beautés, bien qu'elles soient fleuries, en peu de temps, chéront, toutes flétries, et comme fleurs, périront tout soudain. Le temps s'en va, madame. Las, le temps, non, mais nous, nous en allons. Et tôt serons étendus sous la lame. Et des amours desquels nous parlons, quand serons morts, n'en sera plus nouvelle. Pour s'aimer moi, cependant qu'être belle.